Chez IGA, Denis Cloutier, on fête la classique de Saint-Félicien Toyota en grand. La poitrine de poulet désossée à 3,99 $. Le café Maxwell House, 5,99 $. Le maïs de couleur, 12 pour 3 $. IGA, Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril, Normandin, souhaite la meilleure des chances à l'organisation de la classique de volleyball Saint-Félicien Toyota et invite la population à participer en grand nombre aux activités. Kawat Terlio et Associés, concessionnaires des greffes de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron, profitent de l'occasion pour vous souhaiter un bon été. Pour vos besoins en arpentage, que ce soit pour des cadastres, certificats de localisation et autres, communiquez avec Kawat Terlio et Associés, arpenteurs géomètres, au 276-2478, situé au 1660 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Monsieur Henri-Paul Kawat souhaite plein succès à la classique volleyball Saint-Félicien Toyota qui se déroule à la chute à Lourdes de Normandin en fin de semaine. Le camp d'entraînement des élites de Jonquière débute cette semaine à Ville-Saguenay. Question un peu de savoir à quoi s'attendre de la prochaine année. Ça va être une très, très bonne année. On parle à l'instructeur-chef Steve Taillot. Salut, Steve. Oui, salut. Steve, passez bien été? Oui, très bien. Oui, merci. OK. Hey, Steve, dis-moi, du côté des élites, le camp d'entraînement a déjà commencé. Fait à peu quoi 25, peut-être même plus que 100 encore dehors. Est-ce que c'est difficile pour les jeunes de se motiver quand il fait aussi beau? Bien, je te dirais là, que la plupart des jeunes qui sont ici en ce moment, là, je pense qu'ils ont travaillé fort là, depuis quelques années là, pour en arriver là. Puis je pense pas là, que le fait là, que. On est en ça dans une période encore estivale, là. C'est pas un facteur, là. Okay. Pour aimer la motivation. OK. Parle-moi maintenant de la prochaine saison des élites. L'année passée, ça avait été une superbe année, une fin d'année quand même un peu plus difficile en série. Est-ce que, c'est sûr qu'Olivier Rodrigue a été repêché, est-ce que l'équipe va être encore très représentative cette année? Ben, je te dirais probablement, mais. À cette date-ci, en ce moment, là, pas se faire un portrait global là, de ce que ça va ressembler. De un, on connaît pas encore la composition de notre équipe. Puis de deux, non plus, on connaît pas les autres, les 14 autres équipes là, dans la ligue. Donc, c'est un endroit qu'on va pouvoir se situer. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est sûr et certain qu'on va être en mesure de compétitionner à chaque match. OK. Est-ce qu'Olivier Rodrigue a l'âge pour revenir à midget? Puisque des fois, ça peut arriver qu'il est repêché et il peut jouer. Est-ce qu'il peut jouer midget cette année? Ben oui, au niveau de l'âge, là, théoriquement, là, c'est possible. Mais au niveau pratique, je pense pas là, qu'on va le revoir là, qu'on va le revoir cette année. Là, normalement, 16 ans, c'est d'âge midget. Mais dans un cas là, comme Olivier, ben. Talent qu'il a, puis tout ça, l'avenir qu'il a devant lui, je crois qu'il va jouer son niveau là, pour s'améliorer, continuer à se développer vraiment au niveau junior puis de l'année qui s'en vient. OK. Est-ce que, donc, comment t'as le joueur cette année pour débuter ton camp d'entraînement? Je dirais là, qu'il y a aux alentours d'une quarantaine de joueurs présentement qui sont amenés à l'accueil le dimanche, puis présentement, là, on est en plein milieu de notre première semaine, là, la première étape là, du camp d'entraînement. On a justement une partie de ce soir à 17h là, à Lévis avec 20 joueurs. Puis vendredi chez nous contre Québec là, à 19h là, avec ceux qui n'auront pas joué aujourd'hui. OK. Est-ce que des joueurs à Lévis, est-ce que c'est quand même quelques réguliers ou c'est la plupart c'est des jeunes que tu veux voir de l'action? Non, il y a vraiment là, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun joueur là, de l'an passé là, qui est dans l'alignement aujourd'hui, puis probablement pas non plus vendredi. On veut vraiment voir là, les joueurs là, qui ont donné le plus de chances possible aux joueurs de se faire valoir pour la saison. Puis en même temps, moi je préfère là, garder les joueurs qui vont aller en junior là. Les entraîner fort durant les entraînements, mais pour les matchs, là, des fois, éviter les blessures ou quoi que ce soit. Ouais. Une bad luck qui peut les empêcher d'aller à leur camp à 100%. OK. Y a-t-il des joueurs du Haut-du-Lac qui ont des chances de jouer pour les élites cette année? Quand je parle de Haut-du-Lac, je parle de Dolbeau-Mistassini, de Robertval, de Saint-Félicien. Ben, je sais qu'il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont ici, là, qui proviennent du lac, mais je pourrais pas te dire spécifiquement, là, de quel endroit, là, ça vient vraiment du lac ou non. OK. Mais, je te dirais que probablement. Probablement, OK. Ben, Steve, on va te donner la meilleure des chances. On va avoir l'occasion de se reparler très, très prochainement, donc, et durant l'année. Parfait, merci, c'est bien gentil. L'instructeur chef des élites de Jonquière, Steve Thériau.